Unité 5, phonétique. Exercice D. Il organise des voyages guidés. Luc préfère aller en voiture à l'université. Elle va à l'école à pied. Paul et Luc sont très timides.